franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. La taupe était démasquée, mais rien ne permettait de l'incriminer. Aucune preuve, aucun témoignage fiable. Alors, dans ces conditions, que faire ? La question s'est posée au service secret états-unien au milieu de l'année 1989. L'affaire était pourtant sérieuse, très sérieuse même, selon les déclarations du président de l'époque, George Bush Senior. C'était en effet la première fois depuis presque un demi-siècle qu'un diplomate de très haut rang trahissait son pays. Il en a résulté un spectacle assez étonnant. La taupe, un certain Félix Steven Bloch, a fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Des équipes du FBI l'ont suivi à la trace, mais aussi des journalistes armés de caméras et de micros qui l'ont traqué en permanence, campant devant son domicile ou accompagnant chacun de ses déplacements. Et comme si ça ne suffisait pas, on a même identifié une équipe du KGB qui, elle aussi, s'attachait à ses pas. Tant aussi bien que Bloch a acquis une sorte de célébrité que dans la rue, des passants s'arrêtaient pour saluer, ironiquement, Monsieur l'espion. Le casse-tête du FBI s'est prolongé pendant des mois, mais en 1990, il a bien fallu en finir, puisque le suspect ne flanchait pas et que ses filatures se révélaient inutiles. Bloch a été contraint de démissionner de son poste au département d'État au prétexte qu'il représentait un risque pour la sécurité nationale, mais il n'a pas été poursuivi. Que cachait donc cette étrange affaire ? Monsieur X en dévoile dessous et péripéties, et l'on rencontrera à l'occasion une autre taupe de première importance qui n'a été convaincue de trahison qu'à l'aube du troisième millénaire. Thank you. Rendez-vous avec X. L'affaire Bloch a été dévoilée au public au début de juillet 1989. De quelle façon ? C'est la chaîne de télévision ABC qui a fait cette révélation en diffusant un reportage présenté comme un scoop. On y voit deux hommes s'installer à une table d'un grand restaurant parisien. Le premier pose une mallette à côté de son siège. Puis, tous les deux commandent. À la fin du repas, c'est l'autre qui se saisit tranquillement de la mallette et s'éloigne. Et le commentaire de préciser qu'il s'agissait là d'une rencontre entre un très haut fonctionnaire du département d'État et un agent du KGB. Et dans la mallette, il y avait des documents sensibles. Ah, et secrets, forcément. La presse de l'époque relaie alors l'information, dévoile le nom de la taupe, Félix Bloch, évoque l'une des plus importantes affaires d'espionnage mettant en cause le département d'État depuis les années 50. Ce que confirme d'ailleurs le président Bush lui-même. Puis, c'est un haut responsable de la sécurité autrichienne qui affirme l'existence de contacts entre Bloch et un agent du KGB alors que le diplomate était en fonction à Vienne. Et à l'ambassade états-unienne. Où il a longtemps été le numéro 2. Ici, il faut faire deux observations. D'abord, ce reportage de la chaîne ABC n'est qu'une reconstitution. Mais ses auteurs se sont inspirés d'une vraie scène qui a été photographiée en mai 1989 par des policiers français de la DST. Toutefois, je reviendrai sur ce point précis. La deuxième observation est plus curieuse. Les gens des ABC n'ont pas obtenu cette information par hasard. Oui, ce sont les services secrets américains qui sont à l'origine de la fuite. C'est certain. Ouais. Or, quand ils l'ont fait, ils savaient très bien qu'ils ne possédaient aucun élément pour coincer Bloch. Et d'habitude, dans ce genre d'affaires, on attend patiemment afin de prendre le suspect en flagrant délit. Oui, mais s'ils étaient persuadés qu'ils n'obtiendraient jamais aucune preuve pour confondre Bloch, n'ont-ils pas livré cette information à la télévision pour affoler la taupe, le pousser à la faute ? C'est possible. Mais dans ce cas-là, les services états-uniens ont échoué. Car Bloch ne s'est jamais démonté. Dès que les suspicions qui pesaient sur lui ont été rendues publiques, son employeur, le département d'État, l'a simplement suspendu et il a continué à percevoir son salaire. Et il n'a pas été inculpé ? Ah bah parce que le FBI ne détenait aucune preuve solide à son encontre. Bloch a donc été laissé libre de ses mouvements. Cependant, c'est vrai, il a été mis sous pression. Ouais, la surveillance, les filatures... Et les convocations régulières dans les bureaux de l'agence fédérale. Ouais, pour lui tirer les vers du nez. Naturellement, mais en vain. Bloch n'a rien lâché. Et il a pris la précaution de se faire assister par un très bon avocat qui était un ancien conseiller de la NSA, le service secret, chargé d'espionner toutes les communications électroniques. Un homme de l'art, donc. Exactement. Ouais. Alors, après ces quelques informations préalables, voyons plus précisément quel a été le parcours de Félix Steven Bloch. Il est né quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, à Vienne, dans une famille juive. Ouais. Vienne, alors, où il sera donc plus tard en poste en tant que diplomate. Hein. Et on peut penser qu'il se plaisait beaucoup dans sa ville natale, même si ses parents ont dû la quitter assez rapidement après sa naissance. Ouais, à cause de l'antisémitisme des nazis. Bien sûr. Sa famille a fui au printemps 1939, un an après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne hitlérienne. Et où vont les Bloch, alors ? Ben, ils réussissent à passer aux États-Unis. Ils s'installent à New York et obtiennent leur naturalisation. À noter que sa mère se convertit au presbytérianisme et élève ses enfants dans cette religion, tandis que le père fait fortune dans l'exportation du papier. C'est important, parce que Félix Bloch n'aura jamais de problème d'argent, au moins jusqu'au moment où il sera chassé du département d'État. Donc s'il a trahi, ce n'était pas par esprit de lucre. Ben, on peut le penser. Aux États-Unis, le jeune homme fait d'abord des études de commerce à l'université de Pennsylvanie. Puis il va passer un an à Bologne où il étudie la géopolitique. C'est là qu'il rencontre son épouse. De retour en Amérique, il est embauché au département d'État. Ouais, qui est l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères. Oui, et détail intéressant pour la suite, il est engagé en tant que spécialiste du renseignement. Il n'a pourtant encore aucune expérience dans ce domaine. Hein. Sans doute, mais on a dû lui trouver des qualités nécessaires pour exercer dans ce domaine. En tout cas, à partir de ce moment, Bloch, généralement accompagné de sa femme, va beaucoup voyager. Il est d'abord nommé à Düsseldorf, puis il passe 2 ans à Caracas. De retour aux États-Unis, il en profite pour obtenir un master à l'université de Berkeley. Donc c'est plutôt un type brillant. Hein. Ah, incontestablement. Après, c'est Berlin, Berlin-Ouest. Et pendant 4 ans, Berlin-Est, Bloch voyage fréquemment à l'intérieur de la RDA et surtout à Leipzig, futur foyer de la contestation contre le régime. Puis nouveau déménagement à Singapour. Et enfin, l'automne 1980, il est envoyé en poste à Vienne. Oui, où il doit être ravi d'arriver. Certain, oui. Directeur du secteur économique de l'ambassade, Bloch, amateur d'opéra et de peinture, mène une vie très agréable. Il skie l'hiver, séjourne dans les Alpes l'été et surtout, il retrouve l'un de ses amis de jeunesse qu'il a rencontré autrefois à l'université de Bologne. Alois Mock est devenu ministre autrichien des Affaires étrangères. C'est une connaissance en même temps très utile pour le diplomate. Bien entendu. Mmh. Mais c'est une amitié sincère qui les réunit. Les deux couples se fréquentent assidûment. Mmh. Vous me parlez de sa carrière là, mais humainement, qui est Félix Bloch? C'est un parfait diplomate. Élégant, cultivé, un peu hautain, très professionnel, ayant une haute idée de lui-même. Mmh. Ambitieux? Très ambitieux, oui. Mmh. Un point faible, peut-être? Oui, mais on ne le découvrira que plus tard. Bloch a noué une relation particulière avec une prostituée, Anna Christina Striesel, dont la spécialité est le sadomasochisme. C'est une maîtresse-femme. Si on peut dire, oui. Et sans doute aussi pour Bloch une relation sentimentale, car lorsque la jeune femme abandonnera le métier, elle continuera à recevoir son ancien client. Mais dites-moi, ça pouvait donner matière à un chantage si les services de l'Est avaient découvert les goûts sexuels particuliers du diplomate. On y a bien sûr pensé. On a même imaginé que cette prostituée aurait pu être manipulée par le KGB. D'autant, vous le savez, que Vienne, à cause de sa proximité avec le rideau de fer, a toujours été un vivier d'espions. Mais, désolé, rien n'a jamais été prouvé. On peut simplement s'interroger sur l'imprudence de ce haut diplomate. Je suis d'accord. Alors, poursuivons. En mai 1983, Hélène Van Damme, qui a été longtemps la secrétaire personnelle du président Reagan, est nommée à la tête de l'ambassade états-unienne à Vienne. Et d'emblée, elle fait de Félix Bloch le premier secrétaire de l'ambassade. Oui, c'est-à-dire le numéro 2. Hein. Et peut-être même dans la réalité le numéro 1. Car si la nouvelle ambassadrice était une bonne secrétaire, elle n'est nullement compétente pour occuper ce poste. Ouais, donc elle se repose sur Bloch. C'est à peu près ça, oui. Et le diplomate apprécie ce qui est réellement une promotion et la reconnaissance de son professionnalisme. Et aussi de sa puissance de travail qui est incontestable. En outre, ça lui permet de briller, d'être enfin sous la lumière. En septembre 83, c'est lui qui supervise la visite du vice-président Bush senior à Vienne. 2 ans plus tard, Hélène Van Damme démissionne de son poste d'ambassadrice. Bloch assure l'intérim. Et il rêve d'être nommé ambassadeur. Mais, déception. En mai 86, c'est un autre amateur qui arrive. Ronald Lauder, l'héritier des cosmétiques Estée Lauder. Bloch reste le numéro 2? Oui. Au début, il entretient de bonnes relations avec son nouveau patron. Mais ça ne va pas tarder à s'aigrir. Lauder n'apprécie pas l'amitié qui existe entre son second et Mock, le ministre autrichien des Affaires étrangères. Mais au fond, pour quelle raison? L'ambassadeur a l'impression que tout ce qu'il dit à Bloch est transmis au gouvernement autrichien. C'est un sujet permanent de querelle entre les deux hommes. Et encore, Lauder ne sait-il pas que ces précieuses informations arrivent aussi directement au Kremlin? Enfin, n'allons pas trop vite. Portrait du mystérieux Félix Bloch. Je l'ai trouvé dans un livre de Milton Burden et James Risen, CIA KGB, le dernier combat. Burden étant un ancien agent de la CIA et même une légende vivante dans le milieu du renseignement. Extrait. Arrogant et guindé, affectant un maniérisme très vieille Europe, Félix Bloch évoluait dans les milieux diplomatiques comme un poisson dans l'eau et personnifiait tout au moins en apparence la culture très traditionnaliste du ministère des Affaires étrangères. C'était un homme qui accordait une extrême importance aux bons usages et à l'obligation de tenir son rang et que l'on imaginait mal prenant le risque de jouer un double jeu, d'être un espion à la solde des Russes. Étant donné les relations exécrables entre l'ambassadeur et son second, j'imagine qu'il leur faut trouver une issue. Bien sûr. Et dès l'été 1987, Félix Bloch est de retour à Washington. Ah, ça demande ? Ah, c'est ce qu'il a prétendu. Mais Lauder, lui, affirme l'avoir viré. Bloch aurait donc été rappelé pour insubordination, car il n'aurait pas mis fin à ses contacts directs avec le gouvernement autrichien sans passer par l'ambassadeur. Autre grief d'importance. Bloch serait intervenu en faveur du président Kurt Waldheim. Oui, l'ancien nazi. Hein, qui avait été jugé indésirable par les États-Unis depuis que son passé avait été révélé quelques mois plus tôt. Oui. Et c'est assez étrange que Bloch, d'origine juive, ait tenté de soutenir Waldheim. À moins qu'on ne le lui ait demandé. Ouais, mais à qui alors ? Ses contacts soviétiques, par exemple, auxquels il ne déplaisait certainement pas de voir un ancien nazi occuper un poste éminent en Autriche. Pourquoi ? Pour avoir barre sur lui ? Ça n'est qu'une hypothèse. Donc, Bloch est de retour au pays. Il est muté au sein du bureau Europe du département d'État, où il est chargé des relations économiques avec la CEE, la Communauté économique européenne. C'est un poste relativement important. Hein. Certes, mais il n'est qu'un des 11 directeurs du bureau Europe. Et il considère que c'est plutôt une dégringolade professionnelle. En outre, il a alors 53 ans et n'espère plus aucune promotion. Mais si vous le voulez bien, retournons à Vienne, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les agents secrets pullulent. Les hommes de la CIA, en poste dans la capitale autrichienne, ont repéré au printemps 89 les agissements d'un homme qui est peut-être un agent soviétique. Mais pourquoi a-t-il attiré leur attention ? Ce personnage se rend fréquemment et brièvement dans une maison qui ne lui sert qu'à passer des coups de téléphone. Mais il existe certainement d'autres raisons qui ont intrigué les agents de la CIA. À Paris, où il réside parfois, on le soupçonne d'entretenir des liens avec un réseau de taupes au sein de la mission soviétique de l'UNESCO. En tout cas, à Vienne, les Américains mettent en place une surveillance et placent le téléphone de la maison sur écoute, tandis qu'à Washington, on consulte les fichiers. Afin d'identifier plus précisément ce personnage. Hein. Et on obtient des résultats. Il s'agirait d'un illégal du KGB, Reino Jekman. Un illégal à la mode soviétique, hein, c'est un agent qui opère sans couverture diplomatique et en immersion profonde. En effet, Reino Jekman, alias Pierre Barth, serait né en 1930 en Carélie, une partie du territoire finlandais annexée par l'URSS en 1945. Il est marié, père d'un enfant, et il est arrivé seul à Vienne en 1979. Donc, un an avant Bloch. Hein. Et c'est un employé d'IBM. Ça, c'est sa couverture. Évidemment. Ouais. Donc, plutôt que de l'intercepter, on préfère le surveiller à distance. En espérant pouvoir détecter ses contacts et démasquer d'autres espions. C'est classique et ça donne assez vite un résultat. Fin avril 1989. Il se rend donc dans la maison de Vienne pour passer un coup de fil. Il compose un numéro de téléphone et c'est celui de Félix Bloch, le numéro de son domicile. Et immédiatement, l'affaire prend une dimension nouvelle. Ouais, à cause de la position de Bloch au sein du département d'État. Bien évidemment. Mmh. Il faut donc y aller très doucement, car c'est un gros poisson qui est au bout de la ligne. Oui, mais alors comment procéder là ? On organise le grand jeu. Filature, écoute. Rien de la vie professionnelle ou privée de Bloch ne doit pouvoir échapper aux agents fédéraux, sans toutefois lui donner l'impression qu'il est devenu suspect. Et ici se situe l'épisode français que j'ai évoqué au début de cet entretien. Apprenant que Bloch doit se rendre à Paris au mois de mai, la CIA demande l'aide de la DST française. Un échange de services. Une coopération qui n'est pas si fréquente. Et que disent les Américains aux Français, là ? Pas grand-chose. Sinon qu'il s'agit de surveiller les déplacements et les rencontres d'un homme qui est conseiller économique à la Maison-Blanche. Ce n'est pas tout à fait la vérité. Hein. Mais ça donne encore plus d'importance à l'affaire. Ouais. Bon, donc à la DST, on accepte. Oui, car elle peut, à l'occasion, glaner quelques informations intéressantes. Un jour de la mi-mai, Félix Bloch descend la rue du Faubourg-Saint-Honoré afin de rejoindre l'hôtel Meurice, où il a rendez-vous. Mmh. Il est suivi. Très discrètement, oui. L'Américain porte une sacoche noire en bandoulière. Il ne semble nullement pressé. Il s'arrête devant les devantures des boutiques de luxe, se regarde dans les vitrines. Ouais, pour vérifier qu'il n'est pas suivi, c'est ça ? C'est vraisemblable. Puis enfin, il arrive rue de Rivoli et pénètre dans le palace. Bloch se dirige vers le bar où l'attend un homme très grand, barbu et moustachu, qui ressemble vaguement à l'acteur Peter Ustinov. Mmh. Les hommes de la DST savent-ils qui il est ? Presque certainement, car ils l'ont déjà dans leur collimateur. Sans doute parce qu'il est soupçonné d'avoir des relations avec ce réseau soviétique qui sévirait au sein de l'UNESCO. Ouais, non, le siège est à Paris, il faut le rappeler. Hein. Il s'agit donc de cet illégal soviétique, Reino Jickman, alias Pierre Barthes. Au bar, les deux hommes commandent un whisky. Ouais. Des agents français sont présents, là-dessus. Oui, grâce à des briquets qui dissimulent des appareils photos, ils filment la scène. Puis les deux hommes rejoignent le luxueux restaurant de l'hôtel. En s'asseyant, Bloch pousse sa sacoche sous la table. Là encore, ils sont surveillés ? Un couple a pris place à une table voisine. Ce sont des policiers de la DST. Et grâce à leurs appareils miniaturisés, ils prennent de nouvelles photos. À la fin du repas, Bloch quitte la table premier. Un court instant après, c'est au tour de Jickman. Mais maintenant, c'est lui qui porte la sacoche noire apportée par Bloch. Puis il regagne son petit hôtel proche de la gare de Lyon, toujours suivi par les hommes de la DST. Mais ces policiers n'ont-ils pas été tentés de l'intercepter pour examiner cette sacoche noire là? Ah ben, ça ne faisait pas partie du contrat passé avec les Américains. Et d'ailleurs, ceux-ci ne sont pas d'accord entre eux. Expliquez. Les gens de la CIA étaient partisans de demander à la DST d'arrêter aussitôt Bloch et son convive. En flagrant délit, donc. Oui, ou encore à Boxel, quelques jours plus tard, où Bloch devait à nouveau rencontrer Jickman. Mais l'autre agence états-unienne, le FBI, s'y est opposé. Et pour quelle raison, voilà. Les agents fédéraux estimaient qu'il serait plus facile de l'interpeller aux États-Unis et de le mettre en garde à vue afin de l'interroger. Sans doute, mais ce faisant, ils ont manqué une occasion de le prendre en flagrant délit. À condition que la sacoche noire ait contenu des documents compromettants. Ce qui était probable, non? Oui, mais ils n'en avaient nullement la certitude. Et puis plus tard, Bloch aura beau jeu de prétendre que c'était des timbres précieux que sa sacoche contenait. Bref, il se serait agi d'une rencontre entre philatélistes. Exactement. Et à Bruxelles, les Américains ne se donneront même pas la peine d'alerter les services secrets belges, car ils soupçonnaient ceux-ci d'être infiltrés par des taupes soviétiques. Et Bloch revient donc chez lui aux États-Unis. Hein? Tout à fait. Le FBI va-t-il passer à l'action alors? Pas tout de suite, non. L'agence attend toujours de trouver une preuve qui incriminerait Bloch. Mais les fédéraux vont se faire doubler. Ouais, c'est-à-dire? Vers le 20 juin, au milieu de la nuit, Bloch reçoit un étrange appel téléphonique. L'homme qui affirme se nommer Ferdinand Paul dit qu'il appelle de la part de Pierre. Pierre Barthes, alias Jickman. Oui, ouais. Et justement, ce Pierre ne pourra pas rencontrer Bloch dans les semaines, ni même dans les mois qui viennent, car il est souffrant. Une maladie très contagieuse. Un mauvais virus qui pourrait avoir aussi contaminé Bloch. Oui, les gens du FBI qui ont intercepté cette communication comprennent aussitôt. Bien sûr, c'est le KGB qui informe ainsi sa taupe qu'elle a été démasquée et que les contacts sont donc désormais rompus. Et les Américains sont furieux, car ils comprennent qu'ils ont été trahis. Ouais, mais par qui, alors? Ils pensent d'abord aux Français. Les gens de la DST? Oui, parce que les rapports franco-états-uniens n'ont pas toujours été harmonieux. Enfin, ça, c'est un euphémisme. Mais bien vite, ils réalisent que le trait doit se trouver chez eux. Au sein du FBI, donc? Où il existe une autre taupe à un très haut niveau. Mais ils devront attendre 11 ans avant de pouvoir l'identifier et le confondre. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Éric Merlin et Frédéric Ploquin évoquent l'intervention de la DST dans leur ouvrage « Les carnets intimes de la DST ». Ils donnent une version très proche de celle de M. X. C'est d'abord de la scène de l'hôtel Meurice. Deux enquêteurs, un homme et une femme, s'installent à une table voisine. Habillés pour la circonstance, costumes de qualité et robes de grand couturier, muni d'assez de liquidités pour régler leur addition, fondus dans le décor, ils sont équipés d'un micro-appareil photographique qui leur permet d'immortaliser une scène inouïe. L'homme qui remet un plein sac de documents aux Russes est un Américain répondant au nom de Félix Bloch. Il est rien de moins que le conseiller économique de la Maison-Blanche. La DST a reçu l'ordre de ne pas bouger. Pas d'interpellation, la CIA s'en chargera en temps voulu. Raison invoquée, un deuxième contact entre le Russe et l'Américain doit avoir lieu lors de la prochaine visite à Paris du président Ronald Reagan. Cette deuxième rencontre n'aura jamais lieu. Les Américains sont furieux. Il y a eu une fuite, explique-t-il. Ils en ont la certitude grâce aux écoutes téléphoniques. Félix Bloch a été prévenu et il soupçonne les Français d'être responsables de ce lâchage. Mais j'imagine qu'on va reparler de cette taupe qui a alerté Bloch. Mais auparavant, là, que devient ce dernier ? Le lendemain du jour où il a reçu cette communication téléphonique du prétendu Ferdinand Paul, il est arrêté dans son bureau au département d'État. Et aussitôt, une information judiciaire est ouverte. Il est incarcéré ? Brièvement. Placé en congé administratif, il est mis sous surveillance permanente du FBI. Inutile d'y revenir trop longuement puisque je vous en ai déjà parlé. Précisons seulement que 3 voitures bourrées d'agents du FBI le suivent. Et derrière, il y a un convoi d'une vingtaine de voitures de journalistes. Ouais, dans ces conditions, même s'il le voulait, Bloch ne pourrait pas se livrer à des activités clandestines. Bien évidemment. Il faut observer que le diplomate ne semble aucunement troublé. Il poursuit tranquillement, comme si de rien n'était, son train-train quotidien, visite à sa famille, courses, promenades au cours desquelles il marche durant des heures, et où manifestement il s'amuse à épuiser les agents de FBI qu'il file. Ouais. Tout cela est assez ridicule, non ? Ouais, je suis d'accord avec vous. Et ça crée des tensions inutiles avec les Soviétiques. Pourquoi, non ? Parce que le FBI a repéré des voitures d'agents du KGB en fin de cortège. Tant et si bien que Washington lance un avertissement à Moscou. Surtout, n'essayez pas de faire sortir Félix Bloch du territoire états-unien. Ce qui serait malgré tout assez difficile dans ces conditions. Hein. Parallèlement, en Autriche, les autorités lancent à leur tour une enquête. C'est surtout la proximité amicale entre leur ministre des Affaires étrangères et l'espion présumé qui les inquiète. Mais les policiers ne trouvent rien. Même absence de résultats avec la prostituée sadomasochiste que fréquentait assidûment Bloch à Vienne. Elle s'avère être totalement en dehors du coup. Et c'est encore un espoir de coincer Bloch qui s'effondre. Oui, car aux États-Unis, l'enquête reste au point mort. Et ce n'est pas faute d'essayer de confondre Bloch en le soumettant à d'incessants interrogatoires. Mais le suspect ne craque jamais. Or, au ministère de la Justice, le procureur général chargé des affaires d'espionnage, John Martin, exige un dossier plus consistant avant d'entamer éventuellement des poursuites. Finalement, de guerre lasse, le FBI renonce. Mais Bloch est poussé à la démission. Ouais, on n'a rien contre lui, mais c'est quand même un homme jugé dangereux. En effet, viré du département d'État, une première pour un diplomate de ce niveau, il quitte Washington et s'installe en Caroline du Nord, où il trouve à s'engager comme conducteur de bus et ensuite comme employé dans un supermarché. Et en même temps, son épouse demande le divorce. Alors, refermons le dossier Bloch, puisqu'on n'en saura jamais plus. Attends, quelques questions quand même, là. Si Bloch a été réellement un espion de Moscou, quand a-t-il été recruté ? Vraisemblablement lorsqu'il était en poste à Berlin dans les années 70. Et c'est un peu plus tard que l'illégal Jickman est devenu son officier traitant. Mais selon d'autres informations, c'est dans la décennie 80 qu'il aurait vraiment commencé à collaborer avec le KGB. Et pour quelle raison ? Par dépit. Parce qu'il en avait assez d'être sous la coupe d'amateurs comme l'ex-secrétaire de Reagan ou ce fils à papa de Lauder. Ouais. Et ne pouvant devenir ambassadeur en titre, il se serait ainsi vengé ? C'est une hypothèse assez plausible. Et sait-on enfin quelles informations il a transmises au KGB ? Numéro 2 d'une ambassade aussi stratégique que celle de Vienne, il avait forcément accès à des renseignements de première importance. Par exemple, sur les négociations internationales, notamment sur le désarmement conventionnel en Europe. Bloch aurait pu aussi avoir connaissance des rapports politiques du département d'État concernant l'URSS. Et plus tard, à Washington, au département d'État, en tant que responsable des relations avec la CEE et d'autres organisations internationales, il a participé à l'élaboration de la politique états-unienne sur les ventes de technologies de pointe aux pays de l'Est. Ouais, c'est une question très sensible. Ça, régie par le COCOM, le comité chargé de superviser les exportations technologiques occidentales en direction des pays communistes. Mais Bloch aurait également pu avoir révélé aux soviétiques un trafic d'armes qui se déroulait entre une firme autrichienne et l'Iran via la Libye avec l'accord de Washington. Ouais, c'est une autre facette de l'Iran Gate en somme. Alors parlons maintenant, enfin, de la taupe qui l'a alerté. Et qui l'a peut-être aussi trahi. Que voulez-vous dire là? Parfois, il faut faire la part du feu. Et il n'est jamais inutile de donner à l'ennemi quelques biscuits à croquer. Ouais, pour se protéger. Et empêcher que les investigations du contre-espionnage ne remontent trop haut. Alors, cette super taupe, c'est une vieille connaissance. Je veux dire par là que nous avons déjà évoqué son histoire il y a une bonne dizaine d'années. Il s'agit de Robert Hansen. Hansen, le croque-mort. Il est vrai que c'était son surnom. Un grand type au visage cireux, toujours vêtu d'un complet noir, et qui peinait à sourire et ne riait jamais. Marié à une femme dévote, père de famille nombreuse et catholique conservateur proche de l'Opus Dei. Il n'aurait manqué pour rien au monde la messe dominicale. Mais dans ce domaine aussi, il cachait son jeu. Parce qu'on l'a appris, après son arrestation, c'était un véritable obsédé sexuel. Et c'est en 2001 alors qu'il a été démasqué. Et on a appris alors que ce crack du FBI, qui était aussi un as du contre-espionnage, communiquait des documents ultra-secrets aux Russes depuis de nombreuses années. D'abord au KGB, puis au service qui lui a succédé, le SVR. Ouais. Le chasseur d'espions était donc un espion lui-même. Et les Américains ont eu l'impression de revivre l'affaire Aldrich Ames, du nom de cette taupe dissimulée au cœur de la CIA, et qui était lui aussi un spécialiste du contre-espionnage. Mais Ames a été arrêté plus tôt. Oui, au milieu des années 90. Mais si cette nouvelle affaire a provoqué un véritable choc au sein de la communauté américaine du renseignement, c'est qu'on semblait soudain découvrir que malgré la fin de la guerre froide, les services secrets russes demeuraient aussi actifs qu'autrefois. En outre, bien sûr, ça a été vécu comme une véritable humiliation par le FBI. Rappelez-moi à grand trait ce dossier-là. Hansen est entré au FBI dans les années 70 et assez vite il a rejoint les services chargés plus spécifiquement du contre-espionnage. Essentiellement parce que c'était un informaticien hors pair, accrédité secret, l'équivalent de notre secret défense. Il a été chargé de concevoir une base de données regroupant les fiches de tous les officiers de renseignement américains. Il était donc au cœur du système. Et pourquoi a-t-il basculé, lui ? Pour des raisons financières. Et les Russes lui ont payé des sommes assez rondelettes. Plusieurs centaines de milliers de dollars. Toutefois, il n'en a jamais vraiment profité, car il a pris soin de ne pas modifier son train de vie. Pour ne pas se faire remarquer. Naturellement. Et peut-être que pour ses extras sexuels... Bien entendu. Mais enfin, revenons à son ascension au sein du FBI. Elle a été fulgurante, car on lui a confié des postes de plus en plus importants, tous en relation avec le contre-espionnage, et particulièrement la lutte contre les monnaies soviétiques aux États-Unis. Et lui, alors, comment a-t-il été recruté par les Russes ? Il n'a pas été recruté. C'est lui qui a proposé ses services en envoyant une lettre au domicile privé de l'officier soviétique en poste à Washington. Il demandait 100 000 dollars en contrepartie de la fourniture de documents classifiés sur le renseignement américain. 100 000 dollars, c'est beaucoup, hein ? Mais en demandant tout de suite une aussi grosse somme, Hansen indiquait ainsi qu'il était capable de fournir des informations de la plus grande importance. Mais ça a été le cas. Tout de suite. Il a donné les noms de 3 officiers du KGB en poste aux États-Unis qui avaient été recrutés par les services américains. Sous des prétextes divers, ces officiers ont été rappelés à Moscou et aussitôt arrêtés. 2 seront fusillés et le 3e condamné à une longue peine de prison. Hansen a donc du sang sur les mains. Mais ça ne l'a pas dissuadé de continuer à aller à l'église chaque dimanche avec sa petite famille. Autre caractéristique de Hansen, il a toujours voulu rester maître du jeu. Et jamais les Russes ne l'identifieront formellement. Il devait quand même avoir une idée, ne serait-ce qu'en raison de l'importance des informations transmises par Hansen. C'est certain, il n'était qu'une poignée au FBI à avoir accès à des renseignements aussi sensibles. Donc, les Russes savaient que leur taupe appartenait à un très petit cercle du contre-espionnage américain. Mais avait-il besoin d'en savoir plus ? Ce qui comptait pour eux, c'était que Hansen continue à leur fournir des documents. Donc, si je vous entends bien, là, Hansen a toujours une initiative. Et il a communiqué avec les Russes grâce au système bien connu de la boîte à lettres morte. Ouais, une procédure qui exclut tout contact physique entre l'agent et son officier traitant. J'ajoute qu'aux différents postes qu'il a occupés, il était le mieux placé pour découvrir s'il était soupçonné. Ouais, mais pourtant, il est tombé. Ah oui. Au début des années 90, le FBI et la CIA, intrigués par l'échec de certaines de leurs opérations, avaient acquis la conviction qu'une taupe agissait au plus haut niveau. Une cellule ultra-secrète avait même été mise en place. Mais finalement, c'est un transfuge qui a causé sa perte. Et le FBI n'a pas commis la même erreur que dans l'affaire Block. Hansen a été pris en flagrant délit alors qu'il réceptionnait le contenu d'une boîte à lettres morte. Toutefois, l'affaire n'est peut-être pas terminée. Pourquoi ? Parce que tant à la CIA qu'au FBI, on pense qu'il existait une autre grosse taupe. Et celle-là n'a jamais été démasquée. C'est aussi l'opinion de deux anciens dirigeants de la DST, Raymond Nart et Jackie Debin, qui viennent de publier l'affaire Farewell, vue de l'intérieur chez Nouveau Monde. Autre publication, trois bandes dessinées, Les Mystères de la République, chez Glénat, une série que je vous recommande vivement. Et puis aussi le dernier opus de Monsieur X et moi-même, Les grands mensonges de l'histoire, coédité bien sûr par France Inter. Sur franceinter.fr, donc, vous pourrez communiquer avec nous, obtenir des renseignements. Rebecca Donnant a préparé ce programme qui a été réalisé, comme d'habitude, par Michel Biou et mis en musique, comme d'habitude, par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, c'est au-delà de mon amour de Denis Chessou.